mer, un peu plus loin, mon cœur. Plus loin, un peu plus loin, au-delà des terres, un peu plus loin, ailleurs. Puisqu'on a pris le temps, on tient la distance, puisqu'il y a le train, toujours en partance, ce monde derrière le monde, peut-être existe-t-il, immobile, il y a un monde ailleurs. Yeah.